en anglais. Ransom, Ibrith and Son, and a Rankin strike, an eyebrow of chandelier. Extraordinaire, présenté au Théâtre Premier Acte du 10 au 28 avril. Réservez vos billets au 418-694-9654. Ce soir à l'aérospatiale, Paolo Almario au lieu, Konstantinos Taliotis et Francis Chénier à l'œil de poisson, Lucie Rocher et Simon M. Benedict à vue et Sarah Thibault de retour d'une résidence au Japon. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Gentiane Lafrance qui est avec vous à l'animation cette semaine. J'aurai d'abord le plaisir au début de l'émission de m'entretenir avec Paolo Almario et Patrick Dubé au sujet du projet Marmelade qui va être présenté au lieu dès vendredi. Ensuite, il va y avoir notre super chroniqueur Julien Saint-Georges Tremblay qui va venir nous parler des expositions qui sont en cours à l'œil de poisson. Et en deuxième partie d'émission, je recevrai Hubert Godreau qui est aux communications à vue qui va venir nous parler des expositions de Lucie Rocher et de Simon M. Bénédicte qui sont présentés au Centre d'artistes spécialisé en photographie. Et en fin d'émission, il va y avoir Sarah Thibault qui va venir nous présenter, nous parler d'une résidence qu'elle a réalisée au Japon. Donc, on va en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé là-bas et comment elle a apprécié son expérience. Mais tout d'abord, je vous présente la sélection audio de Simon Roy. Donc, cette semaine, Simon Roy nous présente un artiste local. C'est Maxime Robin, qui est un artiste de la musique électronique, donc qui est dans le downtempo. Il fait des mélanges musicaux du beat, comme on dit. Je crois qu'il est originaire de Québec, mais il est établi à Montréal. Et c'est tout spécialement dans le cadre de son lancement qui va y avoir lieu au Knockout sur Saint-Joseph ce jeudi, le 12 avril, à partir de 18h, que Simon Roy nous propose cet artiste cette semaine. Et c'est intéressant aussi de soulever que Maxime Robin, il a de nombreuses collaborations, mais il tient également un blog sur lequel il met à chaque jour un nouveau beat. Donc, ce blog s'appelle 30bpm.com si vous voulez en découvrir un peu plus sur cet artiste. Donc, l'album qu'il lance, c'est Hip Hop Will Never Die Because It Has the Right to Children. Des titres assez humoristiques. On va commencer avec un extrait de Yule 2 SQL. Thank you. Alors, de retour en studio, j'ai avec moi Paolo Amarillo. Bonsoir. Bonsoir. Et Patrick Dubé, bonsoir. Allô, gentilhomme. Donc, je vous ai invité à venir ici à l'émission pour nous parler du projet Marmelade. Comme je disais hors d'onde, j'ai parcouru le communiqué, puis c'est un communiqué qui est beaucoup dans le discours, dans le conceptuel. Puis moi, j'avais le goût de savoir un peu plus qu'est-ce qui va en être concrètement de cette exposition-là. Mais d'abord, Paolo Amarillo, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les auditeurs? Oui, bien sûr. Je m'appelle Paolo Amarillo. Je suis colombien d'origine. J'habite à Chicoutimi. Ça fait 6 ans que j'habite à Chicoutimi. Et je suis arrivé à Chicoutimi pour faire ma maîtrise en art. Je l'ai fait à l'UQAC. Il faut savoir que j'ai fait une formation en Colombie en tant que designer et architecte. Et j'ai fait ma maîtrise en art à Chicoutimi. Donc, c'est-à-dire, je suis devenu artiste à Chicoutimi. Ma pratique est 100% chicoutimienne. Et donc, cette pratique-là qui touche beaucoup à la machine, à l'espace, et puis le titre Marmelade est quand même assez intriguant. Est-ce qu'il va y avoir de la marmelade dans l'exposition? Oui, un peu. Oui? Moi, j'aborde avec ce projet, en fait, plusieurs notions qui viennent de ma formation en tant qu'architecte. Mm-hmm. Alors, moi, je questionne l'espace et la façon dont l'espace qu'on habite vient façonner notre identité. À partir de là, mes projets, de manière générale, prennent la forme des installations évolutives. Donc, je mets des gros éléments dans l'espace qui vont changer, qui vont se transformer et qui vont offrir une expérience évolutive aux gens qui viennent voir les expositions. Cette transformation, normalement, se fait avec des machines. Donc, mm-hmm. C'est des machines qui vont venir générer des petits actes qui, à long terme, vont venir transformer l'espace. Donc, de manière générale, ça se passe comme ça, mes expositions. Puis, Marmelade en soi, c'est un projet qui va venir à toucher un sujet sociopolitique. Oui, donc on parle de la corruption dans la sphère politique en Colombie, c'est ça? Exactement. Donc il faut savoir que le projet Marmelade, c'est une suite à une série d'installations qui s'appelle Formé. Cette série a été lancée à la fin de ma maîtrise en art. La première exposition a été faite, c'était mon projet de fin de maîtrise. Mm-hmm. Puis ça s'est très bien passé. C'est un projet qui est assez complexe dans la forme. On va peut-être en parler tout à l'heure. Puis, il a été exposé à Chicoutimi, à Québec, à Montréal. J'ai eu la chance d'apporter ces projets formellement à la Biennale en art numérique en 2016 à Montréal. Et c'est un projet qui portait un discours d'activisme, en fait. Mm-hmm. C'est un projet qui accompagnait une campagne d'activisme que j'avais menée pour libérer mon père qui était fait prisonnier en Colombie avec l'utilisation des faux témoignages. Donc après faire mes recherches, moi je me suis dit il y a quelque chose qui ne marche pas, mon père est plutôt un prisonnier politique, je vais faire un projet d'art qui va accompagner une campagne d'art activisme pour essayer de trouver la liberté de mon père. On a fait 5 expositions, mm-hmm. Beaucoup de monde nous a accompagnés dans ce projet. Puis, par la suite, il y a eu une ONG canadienne qui nous a accompagnés dans le processus, qui sont allés en Colombie, qui se sont présentés devant la Cour suprême pour dire que ça marchait pas, que d'après les études qu'eux, ils avaient fait du dossier de mon père, mon père était un prisonnier politique. Ils ont demandé sa libération. Puis en décembre 2016, on a réussi à libérer mon père. Donc, ça a été assez satisfaisant. On pense des fois de manière utopique que l'art peut changer le monde. Puis là, j'ai eu un petit aperçu véritablement de comment l'art peut venir influencer la réalité. Oui, concrètement, la réalité, c'est épique comme résultat. Exactement. Je suis rempli d'émotions lorsque je le raconte. Oui, c'est oui. Vraiment bien. Et puis, donc, Marmelade, c'est un peu un bébé de ce projet-là, une extension en Exactement. Quelque sorte. Donc, c'est une évolution de ce projet, c'est une nouvelle série qui conserve la même forme. Donc, au niveau formel, qu'est-ce qu'on va retrouver dans Marmelade si vous assistez à l'exposition, soit au vernissage ou pendant les 3 semaines que l'exposition va rouler? Vous allez trouver un espace qui est modulé par des grands portraits. C'est des énormes portraits, on va en retrouver 7. Et ces portraits-là sont construits avec des petites photos. En fait, il y a 4800 photos qui composent le portrait. Chaque photo est individuelle et placée à la main sur une structure de plexiglas, en fait. Donc, c'est des portraits assez grands qui permettent, voilà, de moduler l'espace. Et lors du vernissage, moi, j'active une machine qui est accrochée en arrière de l'un des portraits. Et cette machine va venir pousser les petites photos de leur position. Donc, cette machine, pendant quelques heures, quelques journées, va venir déconstruire les portraits, une petite photo à la fois. Et ainsi, ensuite, pendant tout le temps d'exposition. Donc, à la fin, on n'aura aucune photo ou presque très peu de photos, en fait, qui seront sur place. Donc, on parle de disparition de ces personnages-là qui sont représentés dans les photographies. Et qui sont ces personnages? Donc, voilà. pour cette exposition, les portraits, c'est la Cour suprême de la Colombie. Donc, cette exposition, j'ai décidé de faire un lien avec les projets, la dernière série formée. Mm-hmm. On représente des gens qui ont du pouvoir et qui l'utilisent peut-être d'une mauvaise façon. La façon dont on représente ces portraits, c'est avec l'accumulation d'étiquettes de marmelade. Donc, si vous vous rapprochez, chaque petite photo, c'est un morceau d'une étiquette des confitures, en fait, parce que marmelade en espagnol veut dire confiture. Mm-hmm. Donc, c'est un clin d'œil aussi à mes origines hispanophones. Mm-hmm. Et confiture que vous allez retrouver, c'est de la confiture colombienne, parce que c'est la Cour suprême de la Colombie que je suis en train de représenter. Et donc, et puis la métaphore de la confiture dans tout ça, parce que j'imagine que c'est pas sans signification que c'est ce produit alimentaire-là qui a été choisi. Exactement. Donc, c'est vraiment beau parce que j'essaye de simplifier le plus possible les dynamiques du pouvoir, en fait. Puis, ce que je fais, c'est représenter le pouvoir par la marmelade. Donc, on décide de donner de la marmelade à quelques gens et que ces gens-là peuvent faire avec la marmelade, ben, la tartiner de la manière comme ils veulent. Des fois, c'est normalement avec des lois et avec certaines normes qu'ils doivent le faire. Mais la corruption devient en fait qu'ils tartinent là où ils veulent. Le pouvoir est distribué d'une manière délibérée et non de la manière dont elle devrait être faite. Donc, on parle de distribution du pouvoir. Et puis, Patrick Dubé, tant qu'à t'avoir ici, est-ce que tu peux témoigner un peu de comment l'espace se dessine en ce moment au lieu? Ben, disons qu'on découvre des petites pièces au fur et à mesure. Oui, parce qu'on est au début du montage. Et voilà. Le travail est assez hallucinant, tu sais, la minutie, chaque je te jure, là, c'est minuscule comme pixel qui vient créer l'image, là. Oui. C'est impressionnant et je crois que, comme il vient de nous mentionner, ça va être hyper important d'être là au vernissage parce que l'œuvre va être comme la plus représentative du genre de l'image que tu peux voir. À partir de ce moment-là, ben, elle va se déconstruire. Donc, ça va être dans l'évolution, ça va disparaître, comme il dit, et ça va être important d'être là ce vendredi à 19h. Donc, le vernissage à 19h, est-ce qu'il va y avoir un aspect performatif au vernissage ou c'est vraiment la manœuvre d'enclencher les machines? Exactement, c'est la manœuvre d'activer la machine lorsque les gens sont là et la machine commence à agir. Et voilà, il faut savoir que les petites photos tombent sur une table à manger. On aura de la marmelade colombienne, les gens vont pouvoir manger de la marmelade. Et on retourne le pouvoir aux gens qui assistent vers l'exposition. Donc, une participation du public. Merci Exactement. Beaucoup pour cette belle entrevue, Paolo Almario et Patrick Dubé. Nous, on va partir pour une pause audio. Donc, l'exposition Marmelade est présentée du 13 avril au 6 mai au lieu. Alors, de retour en Ondre, on a Julien Saint-Georges-Tremblay, on a déjà commencé à discuter, oui. on s'est glissé dans les ondes sans faire exprès. Donc, à l'aérospatiale, Julien, t'es allé voir les expositions de Constantinos Taliotis et Francis Chenier à l'Œil de Poisson. Oui. Deux expositions qui sont, ma foi, quand même assez différentes dans la forme, dans la démarche, dans l'ambiance qui en ressort, mais il y a quand même des recoupements qu'on peut s'amuser à faire. Ah, je suis curieux parce que, tu sais, moi, en même temps, j'en ai pas vu tant que ça. Peut-être plus dans la question de l'usage du mobilier, des recoupements plus formels. Ouais, des espaces, oui, admettons. Oui, on crée vraiment des espaces de travail, pratiquement. Oui, on est dans le domestique, dans l'intérieur, dans les deux espaces, mais c'est deux espaces de nature très, très différente. Donc, du côté de Constantinos Taliotis, qui est un artiste chypriote, on est dans une espèce de parodie du design postmoderne. Ouais, vraiment, c'est ça. On est en 1982, là, comme officiellement. Je pense que dès qu'on rentre dans l'espace, là, on le voit tout de suite, le néon, les couleurs saturées à fond. Je trouvais que l'espace était très vide aussi. Tu sais, il y a des objets qui sont comme, c'est vraiment du mobilier, finalement, des bancs, des paravents, des boîtes de néon. Et il y a des petites œuvres accrochées au mur, qui sont comme de l'impression, mais j'ai même là, il n'y a pas vraiment de cartel. J'ai posé moi des questions en même temps pour savoir c'était quoi le médium. Mm-hmm. J'ai pas eu l'info, malheureusement, pour comme il y avait une impression comme qui ressemble un petit peu comme aux tuiles qu'on trouve dans les écoles primaires. J'ai une espèce de tacheté, en tout cas, abstrait, il faudrait aller voir, là, mais on sent vraiment qu'il y a comme des liens avec les années 80 très très forts là, à travers tout l'espace finalement. Donc on est dans l'Italie des années 80, j'irais jusqu'à dire, tu sais, on pense au groupe Memphis, vraiment le postmodernisme en design, mais on s'entend, on est dans un centre d'artistes, c'est pas une exposition de design. Non, c'est ça. C'est une exposition d'art, de recherche. Ouais, exact, mais c'est ça, tu sais, je trouvais comment je dirais. Ben oui, la recherche est là, mais en même temps, ça crée comme... En tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné dès que je suis rentré. Il y a comme on se sent pas comme nécessairement accueilli. Hein? Il y a comme quelque chose de très déposé. Tu sais, les objets sont juste comme... Ben, c'est sûr qu'il y a il y a une organisation, là, c'est certain. Mais en même temps, le sentiment, l'atmosphère que ça crée, c'est qu'on... On peut pas s'asseoir sur tout, admettons. On veut pas nécessairement toucher à la mélanine, à l'acier. Il y a comme quelque chose de très... Oui, ben il y a cette espèce de confusion. L'artiste joue à amener une confusion entre l'art utilitaire et l'art pour l'art, si on veut. Ouais. Et puis, au vernissage, j'ai assisté au vernissage. Puis l'artiste, dans son discours, il s'amusait de dire que les gens avaient l'intention de s'asseoir sur les objets parce que, bon, on voit des bancs, on voit des paravents, on voit différents objets qui évoquent les objets d'usage du quotidien. Donc, puis lui, ça l'amusait beaucoup de savoir ça, que les gens étaient confus parce qu'il y a ce jeu où il veut apporter cette confusion-là, justement, entre un art qui est appliqué puis un art qui est plus de recherche. C'est très réussi, je trouve, là-dessus. Là, il y a vraiment comme l'ambiguïté. Là. Tu vois, c'est ça, je me disais, puisque l'artiste n'était pas là, je pouvais pas lui poser mes questions, mais je me disais que l'impact, même si moi, mettons, ça passait par quelque chose d'un peu comme... Il y a une mise à distance là, entre l'objet et moi. Je trouvais que l'effet était réussi dès qu'on rentrait, finalement, là, que on se dit ben, c'est quoi exactement qu'on regarde. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, les impressions, ou les, en tout cas, les œuvres 2D. J'ai trouvé superbes, vraiment intéressantes. Là, on dirait que toute la. Il y a comme plus de texture, plus d'émotion, pratiquement. Là. En tout cas, il y a notamment un dégradé du rose au bleu qui est. Et comme qui est vraiment beau, tu sais, là, vraiment une beauté, là, tu sais, on est plus vraiment comme recherche expérimentale. Parce que le design postmoderne, il y avait une volonté de faire éclater un peu le l'objet pour la fonction, l'objet suit la fonction qui relevait du modernisme, mais c'était des objets qui voulaient étonner. Avant de plaire. C'est pas toujours des objets qui sont séduisants ou qui sont pratiques, mais des objets qui sont étonnants, qui veulent en mettre plein la vue, qui évoquent souvent l'enfance avec des couleurs très, très, très, très vives. Donc, on retrouve un peu cet effet-là dans le travail de Konstantinos Taliotis. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est il y a un usage très, très raffiné de la lumière des néons aussi dans son exposition. Parce que, bon, on a l'espace, tu le disais tout à l'heure, qui est vide. Il y a des objets ça et là, mais ce qui remplit l'espace, en quelque sorte, c'est la réverbération des différents néons colorés. C'est vrai. Dans les miroirs aussi, il y a beaucoup de verre parsemé dans quelques œuvres. Puis là, rapidement, on peut voir un jeu de lumière, comme tu dis. C'est très vrai. Je trouve que ça, c'est vrai que ça donnait quelque chose de plus, comment je dirais, plus chaleureux, un petit peu, ou en tout cas, c'est ça que ça devient, ça pourrait devenir un lieu de vie, tu sais, mais ça l'est pas tout à fait parce qu'il y a pas assez, tu sais, il y a pas assez de mobilier, il y a pas de présence humaine, il y a aucune présence humaine, c'est vraiment les objets comme laissés à eux-mêmes, on dirait, dans cet espace-là. Alors que dans l'exposition de Francis Chenier dans la petite galerie, on sent vraiment une présence humaine. Tout à fait, exactement, tu sais, comme ça fait un beau contrepoids, finalement un équilibre entre les deux. Mais même là, la présence humaine, tu la découvres chez Chénier. Il faut comme que tu grattes un tout petit peu, hein, parce que c'est juste c'est du papier accroché, c'est des feuilles qui sont accrochées sur un mur, il y a un bureau à droite, il y a un petit socle en bois où sont posés des dessins, finalement. Donc c'est en gros ça, l'œuvre de Chénier. Il y a aussi des livres, évidemment, qui sont... Mais en tout cas, il y a des livres dans le socle en bois aussi. Toutes les références que Chénier... s'est inspiré finalement pour créer son œuvre. Et là, on peut fouiller à travers ses notes. Hein, ça, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment... Oui, il met ses livres à la disposition des spectateurs un peu pour qu'on puisse rentrer dans le processus, la réflexion artistique. Mais en fait, on lit les feuilles qui sont accrochées au mur, puis on entre un peu dans cette espèce de processus de réflexion artistique qui peut partir un peu dans tous les sens, qui n'a pas vraiment de structure, qui est vraiment dans une recherche de sens, une recherche d'idées, une recherche de sources aussi beaucoup. Ouais, tout à fait, hein, c'est ça. Mais tu vois que les sources, ils se mélangent. Il n'y a pas vraiment une valeur plus qu'une autre. Hein, c'est-à-dire qu'autant, dans ses dessins, souvent il va noter de où il fait ses dessins, puis il y a la gare de la Concorde à Montréal, à Laval, en fait, qui revient sans cesse, puis tu vois que là, la poésie juste de la gare arrive, tu sais, c'est-à-dire que c'est autant, il fait des références à Roland Barthes, admettons, dans l'œuvre, mais autant c'est juste la mère qui passe avec ses enfants, qui devient le geste de création. Donc, il y a comme tout ce mélange-là. Il parle d'hypertexte aussi, c'est-à-dire comment on joue d'une référence qui nous envoie vers une autre, vraiment comme un lien, finalement. Oui, ben comme les internets, c'est comme un ensemble d'hypertextes et de liens qui se font d'un élément à l'autre. Et puis, c'est intéressant cet état de non-hiérarchisation. Donc, on passe d'observation quotidienne à des citations de philosophes, ce qui fait partie de l'expérience du vécu que l'artiste partage avec nous dans l'exposition. Oui, tout ça nous donne le goût soit de lire, soit de porter attention à ce qui nous entoure. Puis finalement, il nous emmène même à créer notre propre catalogue d'exposition. Ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc, chaque feuille, hein, qui sont soit accrochées sur le mur ou même les dessins, puis même dans ses cahiers de notes aussi, on peut fouiller dans tout ça. Chaque page a un numéro. Et là, après, on peut choisir quelle page on préfère et se faire notre propre catalogue et qui sera réalisé par l'artiste. Là. Donc, on laisse son adresse courriel et là, à la fin de l'exposition, on peut venir chercher notre petit catalogue, notre best-of, hein, finalement, de l'œuvre de Chénier. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant aussi de nous inclure dans le processus de création. Oui. Ben parce que c'est ça, l'artiste partage son expérience au travers de son œuvre, mais nous, on en fait l'expérience à notre manière. Et puis, si c'est une citation de Raymond d'April ou une citation de Roland Barthes ou un élément qu'il a observé dans le quotidien qui nous rejoint, qui nous touche, on peut faire notre propre hypertexte. Exactement, c'est donc ça. Donc, c'est ça aussi le sens de l'hypertexte, c'est de continuer à faire des liens, à faire des liens. Oui, c'est comme ça, il n'y a pas de fin, finalement. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Je trouvais que c'est... Puis, c'est vrai, tu sais, c'est quand tu disais au début là, que les deux, finalement, ils se rejoignent, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut essayer peut-être d'habiter l'espace de Taliotis, tandis qu'on peut continuer l'œuvre, finalement, de Chénier. Tu sais, mais dans des directions hein, vraiment complètement différentes. Là. Ouais. Oui, on est vraiment dans deux mondes. Dans le monde de Chénier, on est dans le monde un peu plus privé, je dirais, du bureau, du chercheur. Dans sa démarche, il parle de bibliothéconomie, pardon. Mais donc, on est vraiment comme dans... Alors que dans le travail de Taliotis, on est dans un environnement plus aseptisé qui pourrait être public. C'est ça, mais on sait pas. Exact. On dirait que c'est comme des... C'est un décor. Moi, ça me donnait vraiment l'impression de rentrer dans un... calculé. Ah oui, c'est ça. On sent que ça... Oui, qu'elle a sa place, cette chose-là, mais mettons, ce paravent-là, mais pourquoi est-ce qu'il est au milieu de la pièce quand en arrière, on dirait que c'est juste un bar, finalement, qui veut cacher le bar. Sans utilité, finalement. C'est ça, tu sais. Ben, merci beaucoup, Julien Saint-Georges-Tremblay, d'être venu nous parler de ces expositions de Taliotis et Chénier qui sont à l'œil de poisson jusqu'au 6 mai. Nous, on part pour une pause publicitaire et au retour de la pause, je m'entretiens avec Hubert Gaudreau. Vous écoutez CKRL 89.1. Récits de terre et de mer, menterie ou rêverie, entre tradition et urbanité. Sur la scène des contes illustrés, c'est l'imaginaire tout azimut qui se déploie, vous emportant autant dans le quotidien que dans le fantastique. À travers les mots des conteurs et les traits des dessinateurs, les légendes d'hier et de demain prennent forme en paroles et en images. Le jeudi 12 avril, 20h30, deux conteurs, deux dessinateurs et un musicien vous attendent au Musée de la Civilisation pour les contes illustrés. Entrée libre. Une invitation de Parenthèse 9 avec l'appui de Première Ovation. J'ai commencé ma liste quand j'avais 7 ans, après sa première tentative. Une liste de tout ce qui est extraordinaire dans le monde. 1. La crème glacée. 2. Les ballons d'eau. 3. La couleur jaune. 4. Faire semblant que je sais parler en anglais. Ransom. Iberthenson. And a Rankin strike, an eyebrow of chandelier. Extraordinaire, présenté au Théâtre Premier Acte du 10 au 28 avril. Réservez vos billets au 418-694-9654. And the rind together, that's on brick to brick. Que vous réfléchissiez avec Normand Bergeron, que vous rêviez avec Catherine Pancol, que vous enquêtiez avec Marie Laberge ou Christine Brouillet, que vous songiez à Douglas Kennedy, les mots de vos auteurs préférés seront vous habiter. Venez à leur rencontre au Salon international du livre de Québec sous la présidence d'honneur d'Éric-Emmanuel Schmitt du 11 au 15 avril au Centre des congrès de Québec. Alors, pour cette deuxième heure de l'aérospatiale, Jean-Tiane Lafrance toujours avec vous dans le studio de CKRL avec Hubert Gaudreau. Bonsoir, Hubert. Salut, Jean-Tiane. Donc, Hubert, tu travailles aux communications à Vue et je t'ai invité pour parler des expositions de Lucie Rocher et Simon M. Bénédicte. Bon, on va commencer par Lucie Rocher. parce que, bon, on entre dans le centre et on tombe sur cette exposition-là. L'exposition se nomme « Étant donné » au pluriel. Il faut le préciser. Est-ce que tu peux nous décrire un peu brièvement l'expo en général? Oui, mais en fait, je vous entendais parler tout à l'heure de la... les expositions à l'œil de poisson, tu sais, l'expo dans la petite galerie à l'œil fait étrangement où il y a un lien à créer en fait avec l'exposition de Lucie parce que Lucie explore on va dire le chantier, l'idée du processus de création, l'avant œuvre d'art si on veut, donc en gros c'est plusieurs installations, c'est très installatif là sa présentation de disons, d'écho de ses expositions précédentes. Donc, c'est une espèce de... Son travail est un genre de cadavre exquis visuel, là, si on veut, où elle réinterprète des pièces ou réintègre des pièces dans, dans la galerie d'expositions précédentes ou d'éléments présents dans son atelier. Il y a, entre autres, un tirage qu'elle a réalisé durant le montage. Donc, encore là, l'arrière du décor, si on veut, là, d'une exposition en galerie. Elle a fait une entaille aussi dans le mur de la galerie qui donne sur le Kajibi. Donc, encore là, pour si on veut percer le genre de quatrième mur là, de, oui, parce de l'espace que là, de présentation. Oui, c'est ça. On a accès à un espace qui est dédié au montage, mais c'est l'artiste qui nous en donne accès. Oui, exactement. Puis, il y a aussi l'idée du processus de création. Il y a entre autres des diapositives qui sont présentées sous une plaque de verre qui sont des diapositives qui ont été projetées dans son atelier. Puis aussi le son de cette projection-là qui est essentiellement le carrousel qui change les diapositives, le son du ventilateur. Il y a aussi une petite télévision là, qui présente une autre télévision, cette fois qui était dans l'autobus, qu'elle a pris pour venir à Québec. L'image est floue, donc l'écran s'éteint. Donc, il y a toute cette idée-là du processus pour en arriver jusque dans la galerie, jusqu'à présenter son travail, mais un travail qui s'intéresse à tout cet avant-là, à tout ce processus de donc, création. Donc, c'est comme des espèces de fragments narratifs un peu qui nous amènent vers l'exposition. Puis, évidemment, le photographique est très présent. Tu parlais de ces diapositives-là disposées au sol. Sont disposées, bon, sur un plexiglas sombre, donc on ne peut pas avoir accès aux images. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la nature de ces images-là qui ont été choisies par l'artiste? Comment dire, c'est des diapositives qui ont été projetées dans son espace. On n'a pas accès à cette information-là de l'image, disons. Mais c'est pour rappeler la matérialité de tout ce qui a été, disons, utilisé pour en arriver là. Puis bon, je ne vais pas prêter de fausses intentions à l'artiste, mais c'est ça, c'est, elle les a disposées dans la galerie pour rappeler la trace, si on veut, de cette projection-là qui a eu lieu à un moment précédent la présentation. Puis la photographie qui est aussi présente, là, je pense, puis ça c'est encore une fois un peu disons, mon interprétation, mais il y a aussi des panneaux qui ont une impression là, fragmentée dessus, qui prend énormément de place dans la galerie, en fait, on n'en a pas parlé. Ces panneaux-là sont qui ont une image de son atelier, je crois, qui est imprimée dessus ou d'un précédent montage, encore une fois. Puis face à ça, il y a l'ouverture dans le mur du Kajibi, donc on peut aussi penser à cette... projection-là d'image sur le panneau de bois comme la photographie pourrait l'être ou comme si l'image laissait une trace puis c'était l'image de l'arrière scène, si on veut. Donc comme une espèce de miroir qui pourrait se passer et puis donc moi c'est ce qui m'a frappé tout de suite en entrant dans l'exposition, c'est l'odeur parce que ces contreplaqués-là qui sont installés au mur sont imprégnés d'encre. C'est quoi le processus qui a été utilisé pour imprimer sur le contreplaqué? Est-ce que tu le sais? Oui, c'est une impression jet d'encre, je crois, qui est fait à plat. Donc, c'est vraiment des panneaux qui sont disposés. C'est un service d'impression qui est disponible à Montréal, entre autres. On peut imprimer sur pas mal toutes sortes de matières, là, choses que... qui peut être intéressante là, pour la recherche ou explorer certains matériaux. Puis c'est vraiment une impression là, traditionnelle, là, si on veut. Donc, déposer des gouttelettes d'encre sur le matériel. Mais bon, c'est à plat, étant donné que... un panneau n'est pas très flexible. Oui, c'est ça ne passe pas dans l'imprimante. Et si on passe de l'autre côté, dans l'espace européen, il y a cette cette installation vidéographique de Simon M. Bénédicte. Encore une fois, une trace. Mm-hmm. C'est une trace d'une performance qui a eu lieu le soir du vernissage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'il y a dans cette installation vidéo? Mm-hmm. En fait, Simon est un artiste de Toronto, mm-hmm. Qui travaille présentement à Toronto, du moins. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il questionne justement la figure de l'artiste dans la culture populaire, là, si on veut. Donc, encore là, un autre parallèle à faire avec l'exposition de Lucie. C'est pour ça, entre autres, qu'on les a programmés simultanément. Puis ça questionne ce processus-là de plus de création du côté de Lucie, mais l'état d'être artiste du côté de Simon. Oui, on est vraiment dans le mythe du génie mm-hmm. créateur. Oui, carrément. Simon, en fait, prend différents segments de films biographiques d'artistes, de peintres célèbres, là. Prenons Van Gogh, Picasso, Matisse, oui. Michel-Ange. Oui, par exemple. Puis il s'amuse à recréer un film alternatif, je dirais, de ces existences-là, de ces clichés-là des artistes aussi, de ce qu'on retient de leur... Puis c'est vraiment des extraits qui sont quand même assez courts, et puis souvent ils usent de répétition, puis là ça devient humoristique quand on l'entend se répéter, puis il y a des superpositions, des juxtapositions aussi, puis on finit par voir un peu le ridicule justement de ce mythe du génie créateur que l'artiste traîne comme un boulet depuis l'Antiquité, là. Mm-hmm. Oui, exactement. Puis les répétitions, comme tu dis, ils mettent vraiment là, en évidence là, cette espèce d'absurdité-là. Tu sais, je sais pas, j'ai en tête une scène où l'artiste est penseur, puis il soupire, puis c'est une répétition comme qui dure 5 minutes de ce soupir-là qui se répète. Je pense que c'est un peu le but de montrer que d'en rire un peu aussi, puis de rire de cette présence-là dans la culture populaire, en fait. Oui, parce que, bon, les réalisateurs de films vont vouloir avoir un film qui est intéressant, donc c'est une biographie d'artiste, mais on va fictionnaliser, on va aller chercher des éléments forts pour construire une espèce d'identité, de génie, et puis donc ces espèces de moments-là, moi je pense aussi à un élément où on voit Frida Kahlo qui peint des larmes sur la toile, et puis les larmes qui coulent, et puis on voit un autre artiste qui gémit, qui pleure, qui sanglote. Donc, il y a ces éléments-là où on voit des émotions intenses, où on croit que c'est là que l'artiste va avoir ses étincelles de création et d'idées pour ses œuvres. Puis, c'est ça, puis ça donne une belle pièce, en fait, ça dure une vingtaine de minutes, là, la projection. Puis c'est, on voit aussi le travail de l'artiste parce que c'est une duplication de son écran d'ordinateur. Puis on voit comment il crée ces séquences-là en superposant des écrans vidéo, des segments qu'il fait rouler en boucle. Et on voit la souris qui va sur le curseur du son pour ajuster le son. Puis c'était un peu l'idée de la performance à ce moment-là. Oui. Donc ça, c'est vraiment aussi... Oui, quelque chose qu'on peut rire de certains éléments, mais au final, c'est une très belle pièce. Puis il y a très peu de mots, il y a beaucoup de sons, de trames sonores, mais c'est vraiment quelque chose d'immersif. Je pense qu'on peut rester un bon 20 minutes dans la galerie puis apprécier ça. Oui, le son cinématographique aussi est très important. Souvent, le son arrive avant l'image, quelque chose de très intriguant. Mais là, ben, le temps file et puis l'entrevue arrive à sa fin. Donc, c'est présenté jusqu'à quand, cette exposition-là? Jusqu'au 13 mai. Donc, jusqu'au 13 mai, Lucie Rocher et Simon M. Bénédicte à Vue. Merci beaucoup, Hubert Godreau. Nous, on va partir pour une courte pause audio et au retour, je m'entretiens avec Sarah Thibault. We'll be right back. Alors, c'était un extrait de l'album de Maxime Robin que l'artiste lance jeudi à 18h au Knockout, je le rappelle. Donc, c'était Going Straight for That ELP Money. Et j'ai avec moi en studio Sarah Thibault. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Donc, tu reviens d'une résidence au Japon. Oui. Comment c'était ta résidence? C'était vraiment, vraiment intéressant, je dirais. C'était assez dépaysant, là. Donc, travailler dans un nouveau milieu comme ça, c'était super intéressant. Et l'institution qui t'accueillait là-bas, c'était quel type d'institution? Est-ce qu'il y avait d'autres artistes? Oui, en fait, c'était au studio Kura, qui est à Itoshima, dans le sud du Japon. Pendant le mois de mars, le mois où j'y étais, on était 9 artistes en tout. Donc, c'est un organisme qui accueille des artistes en résidence, surtout des artistes internationaux. Donc, ils ont plusieurs bâtiments, plusieurs locaux là, à travers le village d'Itoshima. Puis, sont également une école d'art pour les enfants. Donc, on croise des enfants qui font d'exceptionnels animaux en carton. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec les enfants, justement, dans le cadre de votre résidence? Parfois, ça se fait, oui. Oui. Sauf que là, on était comme au début du printemps, là, donc tout était un petit peu au ralenti, là, parce qu'ils sortaient de l'hiver. Okay. Ouais. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc, au cours de cette résidence-là, tu as monté une installation. Tu t'es pris tes matériaux sur place. À partir de quoi est-ce que tu as travaillé? Oui, c'est ça. Donc, je voulais vraiment comme faire une installation in situ. Je voulais également trouver les matériaux sur place. Donc, j'ai travaillé avec des meubles brisés, deux chaises cassées que j'ai trouvées au studio et également avec la paille de riz. Il y avait une ferme juste devant mon atelier, en fait. J'avais des rizières à perte de vue à chaque matin. Donc, je suis allée à la ferme récolter de la paille de riz pour travailler. Donc, la paille de riz, c'est un résidu de l'agriculture? Oui, c'est à la fin de la récolte, là, c'est ce qui reste. Et est-ce qu'au Japon, cette paille-là est utilisée pour autre chose que, bon, pour... le compost ou pour les déchets? Oui, c'est vraiment beaucoup utilisé. En fait, là, si je pense un exemple rapidement, les tatamis sont faits en paille de riz. Mm-hmm. À l'époque, il y avait aussi des toits qui étaient faits en amoncellement de paille de riz. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un matériel qui est utilisé, là, un matériel pauvre qui a été utilisé, qui est aussi utilisé dans des rites sacrés pour créer des cordes, des choses comme ça. Là. Donc, c'est un matériau pour les Japonais qui a beaucoup de signification. Oui, c'est un matériel qui croise le quotidiennement. Et donc, c'est important pour toi d'avoir quelque chose qui puisse aller chercher globalement dans la culture du Japon? Ben, j'aurais pas osé utiliser le matériel comme pour parler aux Japonais, je sais pas, mais c'était important pour moi d'utiliser les matériaux locaux, puisque j'avais ce qui était sur place. Puis c'est sûr que j'ai reçu des commentaires de Japonais qui trouvaient ça super intéressant que j'utilise la paille de riz de la manière dont je l'ai utilisée, qui est vraiment éloignée de la manière qu'elle est utilisée normalement. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc, de quelle manière tu l'as utilisée, cette paille de riz? En fait, je l'ai juste... utilisé comme pour recréer de l'ornementation autour des chaises, pour créer aussi, je l'ai comme tourné pour créer un soleil, donc je l'ai, pour faire mes différents éléments de l'installation, je l'ai utilisé de différentes manières, mais surtout pour recréer de l'ornementation que j'ai ensuite dorée. Donc, cette fameuse dorure qui est récurrente dans ta pratique, quels sont les sens que tu lui donnes, particulièrement dans le contexte de ta résidence au Japon, par exemple? Ben dans ma pratique, je travaille beaucoup avec les symboles du pouvoir, les symboles du sacré. Ensuite, je fais des parallèles entre la mise en scène du pouvoir et la mise en scène de soi. Donc, dans ce cas-ci, c'était ça aussi que je faisais. L'installation, je travaillais avec l'élévation, je travaillais avec l'extérieur aussi parce qu'il y avait une fenêtre, en fait une porte fenêtrée qui était directement dans mon espace de diffusion. Donc, j'ai travaillé autour de ça. Donc, c'est différents symboles dont le doré fait partie que j'utilise pour recréer des scènes un peu pompeuse. Ouais. Ouais. Mais moi, ça m'évoquait, j'ai vu les photos de ton installation, ça m'évoquait un peu le trône du roi et de la reine, parce que bon, on les voit en duo, puis il y a quelque chose de très rayonnant dans la façon dont la paille fait un peu des rayons comme un soleil autour des sièges. Oui, c'est ça. Comme je mentionnais le soleil avant, c'est un symbole que j'utilise beaucoup parce qu'il est à la fois utilisé pour symboliser le sacré, mais également pour symboliser le pouvoir. Dans le cas des chaises, j'ai travaillé un peu avec le visuel de la gloire, qui est un ornement d'église qui représente le soleil. Donc, donc la gloire qu'on utilise aussi traditionnellement pour représenter, mettons, le Saint-Esprit ou des choses comme ça. Donc, des rayonnements qui sont dans l'ornementation dorée, justement. Et, bon, on a su hier que tu es lauréate, encore une fois, pour un prix Première Ovation. Félicitations. Oui, merci. Et puis, j'avais le goût d'en savoir un peu plus là, sur ce... Parce que cette fois-ci, c'est un projet de mentorat en art public. Oui. C'est la première fois que tu fais de l'art public? J'ai déjà été dans un concours. Puis là, cette fois-ci, c'est également un concours. On est 3 boursières. On va être en concours. On n'a pas encore les détails, donc on ne sait pas vraiment ça va être où ou quoi que ce soit, mais on va confectionner une maquette, présenter un projet devant un jury. Et puis, c'est quoi les idées qui germent dans ta tête pour ce projet-là d'art public? Je vais vraiment attendre d'avoir l'espace avant de réfléchir plus avant, mais... dans ma pratique, je travaille beaucoup avec la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, d'amener des symboles du décor intérieur, du salon, de la maison dans l'espace public, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vais regarder si je vais travailler avec ça ou non, mais... Et c'est Claudie Gagnon qui est à... Parce que c'est un projet qui est parrainé. Et c'est Claudie Gagnon qui est ta marraine. Oui. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là d'aller chercher Claudie Gagnon comme marraine pour ce projet-là? J'ai demandé à Claudie... j'ai déjà travaillé avec elle sur une maquette d'art public ou sur la confection d'une œuvre en art public. Puis j'aimais beaucoup sa vision de l'art public qui est différente de ce à quoi j'ai été confrontée auparavant. Donc, je trouve qu'il y a un lien vraiment intéressant entre sa pratique en galerie et sa pratique en art public. C'est pas deux pratiques distinctes. Tout ça se tient très bien. Je trouve ça super intéressant. Des matériaux différents qu'elle utilise. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, je lui ai demandé si elle voulait me supporter dans ce projet-là. En tout cas, on te souhaite bonne chance dans ce projet qui se dessine pour toi et dans les autres projets aussi qui s'en viennent. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent prochainement? Oui. Là, vite comme ça, en juillet, je pars pour 6 mois à Montréal. J'ai la résidence du Calque, l'atelier résidence du Calque à Montréal. Donc, je vais être en résidence pendant 6 mois. Donc, je vais revenir ensuite. Bon, on te souhaite un bon 6 mois à Montréal et on va se quitter pour une pause audio. Je vous reviens après la pause avec l'agenda de la semaine. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Alors, c'était Going Straight for That Sweet Jedi Money. Donc, je rappelle que c'est Maxime Robin. C'est son lancement jeudi à 18h au Knockout sur Saint-Joseph. Mais jeudi à 17h également, il va y avoir à la Galerie des Arts Visuels l'exposition Les Falaises se rapprochent d'Anne-Marie Proulx. Donc, qui va débuter. C'est le vernissage. Et Anne-Marie Proulx qui est installée à Québec depuis un certain moment, qui présente son premier solo. Donc, une belle exposition à découvrir. Et vendredi à 17h, je vous rappelle que c'est le vernissage de Marmelade de Paolo Almario que nous avons reçu un peu plus tôt dans l'émission. Donc, au lieu, Centre en art actuel sur la rue Dupont. Et lundi prochain, il va y avoir deux expositions qui vont commencer du côté des institutions scolaires de Sainte-Foy. D'abord, à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval, il va y avoir l'exposition Sublime organisée par Artefact, qui est l'Association étudiante d'histoire de l'art de l'université. Et à Espace Parenthèse, il va y avoir l'exposition de Maxime Thibault qui va débuter lundi également. Enfin, c'est la dernière semaine pour aller voir, donc on a jusqu'à samedi le 14, c'est la dernière semaine pour l'exposition Correspondance avec Audrey Béliveau et Marilyn Forge, donc qui est à la salle d'exposition du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Donc ce sont deux finissantes au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'École d'art. C'est déjà la fin pour cette édition de l'Aérospatiale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Je souhaite faire un grand merci à nos invités, Paolo Almario, Patrick Dubé, Hubert Gaudreau et Sarah Thibault. Merci beaucoup à Julien Saint-Georges pour la chronique de la semaine. Je voudrais saluer Audrey Caro, ma compagne des ondes que je ne vois pas assez souvent parce qu'on s'alterne. Merci à Jacques Gignac, c'est le Robert Venturi de la console. Restez sur les ondes de CKRL 89.1. Après la pause publicitaire, c'est Pierre Blais avec toute son équipe qui vont nous parler de cinéma à l'émission Situation critique qui est présentée en direct de la Ninkasi. Donc rendez-vous mardi prochain, 17h30, pour une autre édition de l'Aérospatiale. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Récits de terre et de mer, menterie ou rêverie, entre tradition et urbanité. Sur la scène des contes illustrés, c'est l'imaginaire tout azimut qui se déploie, vous emportant autant dans le quotidien que dans le fantastique. À travers les mots des conteurs et les traits des dessinateurs, les légendes d'hier et de demain prennent forme en paroles et en images. Le jeudi 12 avril, 20h30, deux conteurs, deux dessinateurs et un musicien vous attendent au Musée de la Civilisation pour les contes illustrés. Entrée libre. Une invitation de Parenthèse 9 avec l'appui de Première Ovation. L'Harmonie de Charlebourg vous invite à son concert dessiné « Carnet de voyage » présenté dans le cadre du 31e Festival de la BD francophone de Québec. Sous la direction musicale de François Dorion, une cinquantaine de musiciens et les dessinateurs Anthony Charbonneau-Grenier et Julien Dallaire-Charret réaliseront en direct une performance unique de dessin. Au programme, Celtic Classic, Les Voyages de Gulliver, Rogue One, Terra Mystica et plusieurs autres. Lors de ce concert, l'Harmonie de Charlebourg dévoilera les noms des lauréats de la troisième édition de son programme de bourse pour la relève musicale des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Rendez-vous le 21 avril à 20h à la salle Saint-Augustin du Centre Le Montmartre, 1669 Chemin Saint-Louis. Billets en vente sur harmoniedecharlebourg.ca/billetterie. J'ai commencé ma liste quand j'avais 7 ans, après sa première tentative. Une liste de tout ce qui est extraordinaire dans le monde. 1. La crème glacée. 2. Les ballons d'eau. 3. La couleur jaune. 4. Faire semblant que je sais parler en anglais. Ransom. Ibrothenson. And a Rankin strike, an eyebrow of chandelier. Extraordinaire, présenté au Théâtre Premier Acte du 10 au 28 avril. Réservez vos billets au 418-694-9654. L'homme de Lille C'est un film qui offre un regard sur un guide de chasse insulaire et la puissance de son univers. Il dépeint une longue et belle relation entre Gilles Gagné, un homme d'une intelligence et d'une sensibilité terrienne, et un grand maître, Jean-Paul Riopel. Ensemble, ils chassent, ils sirotent et surtout, ils discutent. Tandis qu'un redécouvre la beauté de son monde à l'île aux oies, l'autre s'en inspire pour créer des œuvres d'art. L'homme de l'île à l'affiche de le 23 mars au Cinéma Quartier. Spira vous convie à son traditionnel cours Spiracourt du printemps. Pour l'occasion, plusieurs courts-métrages seront projetés en primeur à Québec. Soyez de la partie pour une soirée de cinéma haute en couleurs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 18 avril à 19h30 au Cinéma Quartier. Tous les détails sur spira.québec. En direct de la Ninkasi Saint-Jean, CKRL vous présente